Donc nous avons avec nous Hanna Mehdawi, il est ingénieur étudiant en quatrième année en électro, spécialité électromécanique et système industriel, pour nous parler de cette troisième édition de la compétition de la robotique qui a eu lieu à Meknès, organisée à l'initiative évidemment de l'ENSAM. Hanna, bonjour. Bonjour madame Hanna. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdulillah, merci beaucoup. Merci. Comment vous allez-vous? Alhamdulillah, merci d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation du Carrefour de chez Mater. Donc, Hanan, la compétition s'est clôturée hier, le 22. Donc, faites-nous un bilan de cette compétition, s'il vous plaît. De la robotique, bien évidemment. Alors, la compétition nationale de robotique a été organisée tout d'abord par nous en tant que club robotique et innovation à Rémétis. D'accord. En collaboration avec la commune de Meknès. D'accord. Alors, comme vous avez dit, ce week-end dernier, le 21 avril, la compétition a eu lieu à l'ENSAM, où s'est déroulée la phase de présélection. Et le 22 avril, hier, à la salle Ismaïlia, où il y avait la phase finale de la compétition du robot Pompi, ainsi que l'exposition des projets innovants. D'accord. Concernant la compétition, alors, elle s'est bien déroulée. Les conditions ont été très bonnes et favorables, les équipes ont été à la hauteur, ainsi que l'organisation, il s'est bien passé pendant les deux journées de notre événement, et ceci grâce au soutien de notre école en premier lieu, qui nous a apporté une aide immense, ainsi que notre parrain M. Jalal Sabour et notre encadrant M. Mourad Hissien, sans oublier bien sûr le comité organisateur et les ex-membres du club robotique. D'accord. Donc, Hanna, la thématique de cette troisième édition de la compétition nationale de la robotique était « Make it smart, make it safe ». Pourquoi cette thématique et quel est l'objectif, bien évidemment, de cette troisième édition? Oui. Alors, notre thème de la compétition, comme vous avez dit, était « Make it smart, make it safe ». C'est-à-dire rend-le intelligent et rend-le sécurisé en même temps. Alors en effet, le cahier de charge de cette édition portait principalement sur la réalisation des équipes participantes, bien sûr, d'un robot pompier. Ce robot, il est capable de détecter le feu et l'éteindre, ainsi que rentrer dans l'hôpital. Le but ou bien l'objectif de notre thématique, c'est seconder les pompiers et les aider et bien sûr faciliter leurs tâches. D'accord. Oui. Allô, vous m'entendez? Vous m'écoutez, Hanna? Allô? Allô, oui, je vous écoute. Oui, et vous m'écoutez, oui. Oui. Alors, comme j'ai dit, les équipes, nous avons demandé aux équipes de réaliser un robot qui est capable de détecter le feu et l'éteindre, ainsi que rentrer dans l'hôpital, dans une maquette que nous avons réalisée contenant des routes, des maisons et un hôpital. Le but de cette compétition était de sensibiliser les gens du travail de la protection civile. Et bien sûr, pourquoi pas au futur, ce système serait réalisé sur dans notre vie quotidienne. Et bien sûr, le but, ce n'est pas bien sûr de remplacer les pompiers, mais de les seconder et de les aider. De les aider, d'accord. Et il y avait un gagnant donc dans cette compétition. Qui c'est qui a gagné, qui a réalisé le meilleur robot? Oui, effectivement. Hier, l'équipe qui a rapporté le prix, c'est l'équipe de l'Ensacnetra, c'est RER. D'accord. C'est une équipe qui a été bien à la hauteur, qui a pu réaliser plusieurs fonctionnalités qui ont été inscrites dans le cahier de charge. Félicitations à eux, ils l'ont mérité. Bien sûr. Oui. Le deuxième prix a été apporté également par l'équipe de l'ENSAM. C'est une équipe du club qui appartient au club informatique. Ils ont apporté le deuxième prix. D'accord. Donc cette compétition, cette troisième édition de la compétition nationale de la robotique s'est déroulée en deux jours. Donc quel a été le programme de cette compétition en deux jours? Oui, alors pour la première journée, le 21 avril, samedi, il y avait la phase de la présélection des équipes. D'accord. La compétition a réuni cette année 18 équipes venant de différentes écoles et facultés du Maroc. Citant, il y avait 3 équipes de l'FSR, 2 équipes de l'Interconnetra, 3 équipes de l'INSAM et bien d'autres écoles qui sont venues pour une présélection. Ils ont effectué des tâches sur des maquettes d'essai et après on a sélectionné 8 équipes, les meilleures, qui ont été classées les meilleures. D'accord. Ensuite, pour la deuxième journée, le matin, il y avait la compétition des projets innovants. Cette année, malheureusement, on n'avait que 2 projets participants. Et également, le jury a décidé de diviser le prix entre ces 2 équipes. Et l'après-midi, à partir de 14h, il y avait la phase finale de la compétition du robot pompier. La première phase comportait, il y avait les équipes participantes qui ont été qualifiées pour le dimanche ont été confrontées. La première phase comportait 4 confrontations. D'accord. La deuxième phase, juste 2 équipes, 2 confrontations, c'est-à-dire 4 équipes qui ont été qualifiées, et la finale comportait 2 équipes qui ont été confrontées sur la même maquette. D'accord. Donc, Mehdaoui, j'aimerais savoir, est-ce que le robot peut-il servir à tout, à votre avis? Puisqu'on peut dire que vous êtes spécialiste dans la matière. Oui. Pour le robot que les participants ont fabriqué, c'est un robot qui peut suivre la ligne, c'est-à-dire dans une maquette, il y a une ligne que le robot doit suivre. Donc c'est la première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité, il est capable de détecter le feu dans la ligne. Et ensuite, il se déplace vers le milieu ou l'endroit où il existe le feu, et il l'éteint avec une pompe à eau. D'accord. Donc, en tant que jeune étudiante, ingénieure, en quatrième année, bien évidemment, donc, ne pensez-vous pas, Hana, que les robots feront peut-être courir des risques à l'emploi des jeunes? Oui. Je parle pas de la compétition, écoutez, on parle en général, là. C'est-à-dire, les robots ne feront-ils pas courir des risques à l'emploi des jeunes? Parce qu'ils vont remplacer, en quelque sorte, l'être humain. Dans certains cas, oui, je pense que les robots, ils remplacent l'homme. Mais dans notre cas de la compétition, comme j'ai dit au début, notre robot ne peut pas remplacer le pompier. Il va juste les seconder, les aider à réussir leur tâche. Comment, concrètement? Comment? En détectant le feu dans la ville. Donc, il y a un capteur qui peut détecter le feu et une alarme va être déclenchée chez les pompiers. Ensuite, lorsqu'ils vont à l'endroit, ce robot, il contient une pompe à eau. Et il va les aider à éteindre le feu. D'accord. Donc, Hana, je fais une petite pause musicale et on se retrouve juste après. On va retrouver Farah Fatni. Voilà. Donc, pour nous éclairer là-dessus. Chaîne Interculture. Un moment d'évasion culturelle et intellectuelle sur Chaîne Inter. Chaîne Interculture, un rendez-vous privilégié en compagnie de spécialistes et d'artistes pour suivre toute l'actualité artistique, culturelle et littéraire. Chaîne Interculture, c'est sur Chaîne Inter, du lundi au vendredi, de 19h à 20h, avec Félouz Boutalba. midi 25 minutes. Bienvenue à tous ceux et celles qui viennent de se joindre à nous sur Chaîne Inter, dont cette première édition de la semaine à Carrefour de Chaîne Inter. Avec nous, Farah Fatni. Donc une autre, oui, bonjour. Bonjour Farah, donc une autre étudiante ingénieure en quatrième année. Donc c'est dont la spécialité industrielle, c'est ça? Exactement, électromécanique et système industriel. D'accord. Donc vous êtes aussi, vous spécialisez aussi dans la robotique? Normalement la filière électromécanique et système industriel, c'est un domaine un peu vaste, mm-hmm. dont la robotique fait partie. Mm-hmm. D'accord. Voilà. Donc, j'ai posé une question à Hana et j'aimerais avoir votre avis aussi, votre réponse aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que les robots, la robotique fera courir des risques à l'emploi des jeunes, vous comme étudiante, par exemple? À mon avis, normalement, c'est au contraire. Mm-hmm. La présence des robots, par exemple, dans notre vie, mm-hmm. ça va faciliter pas mal de choses. Mm-hmm. Ça va être avec plusieurs fonctionnalités dont l'homme, par exemple, ne peut pas faire ou a du mal à faire. Mm-hmm. Donc, ça va faciliter pas mal de choses dans la vie humaine. Mm-hmm. Et bien évidemment, on est maintenant face à une industrie 4.0 mm-hmm. où on peut connecter... 4.0, c'est ça? Oui, 4.0. Ça oui. veut dire quoi? Ça dépasse... normalement les industries ça évolue mm-hmm. et maintenant le monde est vers une industrie 4.0, c'est-à-dire mm-hmm. qu'on peut connecter tout objet mm-hmm. qui est autour de nous mm-hmm. Sans risquer à d'autres composants, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs objets en connexion entre eux, mm-hmm. sans faire du risque à notre composant. Mm-hmm. Mm-hmm. D'accord. Donc, si on arrive à faire cette connexion entre tous les objets, mm-hmm. Je pense que ce risque de la présence du robot dans notre vie ne sera pas, voilà. Mm-hmm. D'accord. Donc, quel est le rôle ou quelle est l'importance de la robotique dans notre société, dans notre vie, Farah, d'après vous? À mon avis, la présence d'un robot dans notre vie, ça va faciliter, comme j'ai dit, plusieurs choses. Mm-hmm. Maintenant, on peut voir, par exemple, dans l'industrie, mm-hmm. La présence de l'homme fait du mal à la production, par exemple, d'un projet, à une ligne de production. Elle fait mal à la production d'un projet? Comment? Par exemple, le temps d'exécution des tâches. Mm-hmm. Un robot, il y a une exactitude pour effectuer une tâche, mm-hmm. contrairement à la main d'œuvre, par exemple. Mm-hmm. Il y a aussi la présence de l'homme. On risque d'avoir des incendies mm-hmm. pour la vie de l'homme. Par contre, si on a des robots qui peuvent effectuer ces tâches, donc c'est bien d'avoir des robots dans la société. Et même autre que dans l'industrie, dans la vie humaine en général, ça donne du confort à la vie humaine. Mmh. D'accord. Donc, quels sont donc le robot, la robotique présente bien des avantages, mais quels en sont les inconvénients, voilà, d'après vous? Normalement, la présence du robot, ça va donner, en premier lieu, comme on sait tous, c'est le chômage. Voilà. C'est-à-dire que voilà, donc mm-hmm. Sauf si on peut arriver à un niveau à avoir des formations à tout technicien, par exemple dans l'industrie, mm-hmm. assez suffisante. Mm-hmm. Si on arrive à qualifier toutes les personnes à travailler plus et donner d'autres choses autres que ce qu'elles font, donc c'est bien. Mm-hmm. Mais si on reste à un niveau où un technicien peut faire la même chose qu'un robot, mm-hmm. alors là, ça va donner du chômage. Mm-hmm. Je pense aussi que, autre que dans l'industrie, dans la vie humaine, l'homme n'aura pas la possibilité de faire pas mal de choses. Par exemple, si on a un robot qui peut lui faire tout, par exemple, lui préparer quoi manger, lui mm-hmm. préparer tout ce qu'il veut, son lit et tout, mm-hmm. Alors là, l'homme n'aura pas des choses où il peut manifester aussi dans sa vie. Et on voit là, créer. Donc c'est pour ça que j'ai dit, vous allez évoquer, vous avez évoqué le chômage. Pourquoi que c'est pourquoi je vous ai dit que les robots feront petit trou, la robotique fera peut-être courir des risques à l'emploi des jeunes. Oui, normalement. Il y a aussi un autre point, c'est si on a quoi? Oui, lequel, j'ai dit. L'autre point, c'est quoi? Oui, normalement, si on arrive, par exemple, à avoir des robots assez développés, à faire le tout, je pense pas qu'on peut les contrôler après. Si on arrive à une autonomie du robot, à faire tout ce qu'il peut, à être autonome de l'homme, de son créateur, alors là, il peut être... aussi un risque à sa vie. Bien sûr. Donc, Farah, est-ce qu'on est aujourd'hui sûr et certain quant à l'éventuelle contribution des robots à la productivité, aussi bien de certains de nos industries que de certains de nos services? Est-ce qu'il n'y a pas une incertitude? Une incertitude dans leur impact sur l'industrie? Non, sur la contribution des robots à la productivité, que ce soit dans l'industrie ou les services, bien évidemment. Bien sûr que ça va renforcer la productivité. C'est, leur présence, c'est une présence assez forte. Si on a des robots qui peuvent effectuer des tâches dans l'industrie, c'est vraiment quelque chose de génial. Si on arrive à robotiser toutes les lignes de production, ça serait un pas très important. Mais comment une machine, un robot, parce que c'est une machine en fin de compte, créée par l'homme. Oui. Comment peut-elle être productive, Farah? L'exactitude, par exemple, au niveau temps. L'exactitude aussi au niveau des mesures. Il y a une exactitude niveau mesure, niveau temps, niveau plus. Il y a plusieurs axes que peut un robot effectuer, et l'homme peut être incertitude. Il y a une incertitude si l'homme arrive à les faire. D'accord. Donc aujourd'hui, on est en train de créer des machines qui peuvent nous remplacer. Nous remplacer, mais plutôt nous aider et nous seconder ou faire des tâches basiques, alors que là, l'homme, comme j'ai dit, si on arrive à qualifier les hommes à avoir un niveau plus haut que ce qu'on crée en ces robots, il n'y a pas de problème. Parce qu'on arriverait à créer plus. Oui. À innover plus, à faire de la créativité de plus. Donc là, le robot n'aura qu'à faire des choses basiques pour nous. Par exemple, des tâches que normalement qui nous arrivent, par exemple, à un certain temps, il y avait l'homme qui est dans des lignes de production, par exemple, du carton, il y avait l'homme qui effectue le découpage, le pliage et tout. Maintenant, on voit des lignes de production qui font le pliage et tout. Donc, on a secondé l'homme, et il y a la présence de l'homme ici qui n'est plus importante. La présence de l'homme n'est plus importante ici. Puisqu'il fait le découpage. Non, c'est pas qu'il n'est plus important, mais il est là que pour superviser la ligne de production et innover de plus. Et trouver des solutions de plus s'il y a un problème au niveau de la création ou autre chose. Je pense que même s'il y a la présence de l'homme dans certaines lignes de production, par exemple de pliage, de découpage, alors qu'il y a le robot qui peut les effectuer, c'est bien, parce que on arrive à avancer l'homme à autre niveau. D'accord. Donc, est-ce que vous pensez que les Marocains, le citoyen marocain, il est pour ou contre la robotique ou le robot? Je pense que maintenant, le Maroc, normalement, il est arrivé à industrialiser le 3.0, c'est-à-dire l'électromécanique. Mais arrivé à la robotique, on n'est pas encore qualifié. Sinon, ça va demander des investissements assez importants. Important, d'accord. Oui. Donc, pourquoi on n'est pas assez qualifié? Qu'est-ce qui manque? parce qu'on a déjà installé une industrie qui est un peu loin de la robotique. Et même le niveau, surtout le niveau scolaire, il est un peu, il n'est pas assez qualifié pour avancer là-dessus. Ça demande vraiment des investissements assez importants. D'accord, donc des investissements et peut-être installer ça dans notre système scolaire. Pas seulement des écoles spécialisées. Est-ce qu'il y a plusieurs écoles spécialisées dans ce domaine ou c'est peu dans notre pays? Non, il y a d'autres spécialités qui sont un peu proches, comme l'électromécanique, l'électronique, la mécatronique aussi, mais en robotique spécialement, non. Jusqu'à présent, non. C'est pour cela déjà que la compétition, ça encourage les gens à faire de la créativité dans un domaine pareil. Le but principal, c'est d'encourager les gens à innover, à travailler dans ce domaine-là. Voilà. D'accord. Pensez-vous que les étudiants ou les jeunes s'intéressent à cette robotique, c'est-à-dire poursuivre des études en mécanique, comme vous avez dit, en industrie, pour réaliser des robots, produire des robots ou construire des robots? Oui, bien sûr, déjà. Oui. Déjà la présence de presque 100 personnes entre nous pour participer, c'est déjà un nombre assez important pour dire qu'il y a déjà des étudiants qui sont intéressés par le domaine. D'accord. Alors, Farah, restez parmi nous. Donc, Hanan aussi, qui veut répondre à la question, qui a quelque chose à rajouter sur le pourquoi nous ne sommes pas qualifiés pour la robotique. On va l'écouter dans quelques instants. On va rejoindre Hanan. Avez-vous déjà testé vos connaissances sur l'histoire du Maroc, sur sa géographie ou sur sa culture? Quel est votre niveau de maîtrise de la civilisation marocaine et de son patrimoine? Mettez vos connaissances à l'épreuve et appelez le 05 37 20 44 73. Appelez Azib Mashrafi dans votre émission La Bonne Réponse. La Bonne Réponse, c'est du lundi au vendredi de 15h à 17h sur chaîne Inter. Carrefour de chaîne Inter se poursuit agréablement en votre compagnie jusqu'à 13h avec nous, Hana Mehdaoui. Donc, Hana, alors, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la question que j'ai posée à Farah concernant le fait que nous ne sommes pas encore qualifiés, bien évidemment, pour la robotique. Oui, madame Hanan. Oui. Alors, pour la question, ce que je voudrais ajouter, c'est que, tout d'abord, la spécialité de la robotique n'est pas encore intégrée dans le parcours scolaire des élèves ingénieurs au Maroc. Donc, on n'a ni des techniciens qui sont qualifiés pour travailler dans l'industrie 4.0, ni des ingénieurs. Donc, on n'a pas les opérateurs qui peuvent travailler et assimiler le travail dans l'industrie 4.0. De plus, Farah a parlé de l'investissement. Oui. Comme a déjà dit Farah, les industries ou l'industrie marocaine, ils sont arrivés à acheter des machines qui travaillent en industrie 3.0, c'est-à-dire de l'électromécanique. D'accord. Pour enlever ces installations et faire des installations et remplacer les installations de l'industrie 3.0 par d'autres de l'industrie 4.0, ça va demander un investissement immense. Alors, ce que les industriels essayent de faire maintenant, c'est de ne pas éliminer toute la chaîne de production 3.0, mais plutôt intégrer quelques éléments de l'industrie 4.0 qui peuvent les aider. Comme par exemple les capteurs intelligents, qui comportent toute la chaîne d'acquisition. D'accord. Donc, puisque nous ne sommes pas encore qualifiés, on n'a pas de technicien qualifié, comme vous avez dit, la robotique n'est pas intégrée dans nos processus, ou plutôt cursus scolaire, il n'y a pas d'opérateur assimilé, ça nécessite un grand investissement. Pourquoi vous y intéressez, Farah? Nous, on essaie de... Parce que la révolution industrielle, c'est une révolution de l'industrie 4.0. Le Maroc, c'est vrai qu'il n'est pas encore qualifié, mais il essaye d'intégrer quand même, comme j'ai dit, des éléments de l'industrie 4.0, tout en gardant l'industrie 3.0. Alors nous, on essaye d'encourager les gens et de les inciter à faire de la recherche, pour qu'un jour, on arrive nous-mêmes, dans notre pays, le Maroc, à réaliser cette industrie. Et je veux rajouter un point, c'est que nous, on fait pas de l'industrie, on n'intègre pas des éléments de l'industrie 4.0. C'est juste, on travaille de la robotique, on fait de la robotique. La robotique, il y a une partie qui on travaille juste avec une carte Arduino et des cartes qui sont très simples à manipuler. Sans intégrer la robotique, l'industrie 4.0. 4.0, c'est toujours 3.0, c'est ce que vous travaillez avec le 3.0. Non, il y a des éléments qui intègrent, par exemple, l'industrie 4.0, c'est le fait, c'est l'internet des objets. C'est le fait de pouvoir communiquer avec la machine. Je donne un exemple. Vous avez par exemple dans votre maison un panneau photovoltaïque. Vous êtes dans une autre ville ou n'importe quel endroit, vous pouvez contrôler, vous pouvez plutôt visualiser la production de votre panneau à distance. D'accord. Alors nous, on essaie juste de faire des petites applications sur les téléphones, sur Android, pour visualiser les résultats de la production ou bien l'effet de notre système. Mais pas tout à fait quelque chose vraiment qui est pure industrie 4.0. D'accord. Donc, pensez-vous, Farah, qu'on est vraiment obligé de suivre cette évolution, révolution, comme vous dites, et instaurer ce système de robotique aujourd'hui? Oui, je pense que c'est intéressant d'intégrer de suivre cette révolution. Parce qu'il y a des conséquences pour l'emploi de cette automatisation, pardon, qui est en croissance rapide dans les autres pays, bien évidemment. Il y a des conséquences négatives. Effectivement, il y a des conséquences négatives, parce que dans certains cas ou bien dans certains postes, ils seront éliminés. Donc, il y a plus d'emplois pour toute une tranche de des personnes qui sont... qui ont des formations dans le poste que la machine va travailler. Mais l'homme, il peut se diriger vers les études de contrôle de ces robots et de la supervision des robots. Donc, le système, tout va changer. Oui. Oui, mais Farah, ça pourrait être intéressant pour la nouvelle génération. Ça pourrait être intéressant pour la nouvelle génération. Oui, ça va être très intéressant pour la nouvelle génération. Parce qu'ils seront peut-être, cette génération sera qualifiée pour cette nouvelle industrie 4.0. Mais pour les autres, les plus un peu anciens, donc ça sera pas évident. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils doivent suivre des formations pour être qualifiés. Justement pour utiliser cette nouvelle industrie, non? Si je me trompe, rectifiez, s'il vous plaît. Ça serait difficile de les intégrer dans cette nouvelle technologie, mm-hmm. parce que, comme vous avez dit, c'est pas évident. Mm-hmm. Et ils doivent suivre des formations et des cours après pour pouvoir poursuivre cette révolution. Reste à savoir aussi, est-ce qu'ils sont intéressés ou pas. Moi, je vous pose des questions pareilles pour essayer justement de comprendre et faire comprendre aux auditeurs ce que c'est que la robotique et qu'est-ce que ça pourrait, bien la valeur ajoutée de la robotique pour notre industrie ou pour notre économie. Si vous pouvez nous répondre, Farah. Oui, pour les avantages ou la valeur ajoutée de cette robotique, oui. Les bénéfices que va nous apporter la robotique, mm-hmm. c'est qu'on va augmenter le débit, mm-hmm. bien la capacité de production. Mm-hmm. Lorsqu'on travaille avec de la robotique, lorsqu'on robotise les systèmes, on travaille avec, on intègre. Un petit peu des chaînes d'acquisition intelligente et tout, mm-hmm. On peut arriver à des niveaux de production très élevés, mm-hmm. Ce qui va augmenter la compétitivité du Maroc dans le marché externe. International, d'accord. International. C'est la seule peut-être valeur ajoutée, non? C'est la seule chose. Et bien sûr, sans oublier que ça va faciliter, bien évidemment, la tâche aux hommes ou bien aux utilisateurs. D'accord. Le fait de faire la tâche. Et ainsi, bien sûr que l'homme n'est pas tout à fait précis. Mm-hmm. Il y a des tâches qui demandent de la précision. Mm-hmm. Lorsqu'ils sont effectués ces tâches par l'homme, mm-hmm. Et ils ne donnent pas des résultats exacts. Mm-hmm. Alors que la machine peut faire cela facilement. Mmh. Elle peut rendre des résultats ou donner des résultats exacts. Oui, des résultats sur quoi? Des résultats, n'importe quel domaine. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance? Ma question, c'est on peut faire confiance à la robotique, à un robot. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut donner des résultats exacts et précis? Comme vous avez dit, oui. Parce que vous avez dit que l'homme ne donne pas souvent des résultats précis et exacts. Par contre, le robot, cette machine peut donner des résultats exacts et précis. Oui, bien sûr. Alors, faire plus confiance à la robotique qu'à l'homme aujourd'hui. Oui, alors on peut faire confiance bien sûr à la robotique plus que l'homme dans certaines tâches. Mm-hmm. Tout d'abord, des tâches demandent, par exemple, je donne un simple exemple, mmh. le découpage des pièces mécaniques. Mmh. Il y a des pièces qui sont utilisées ou bien qui sont destinées à l'utilisation de l'aéronautique, par exemple. Mmh. Ils demandent d'être faites avec une précision, avec une très très haute précision. Mmh. Alors, l'homme ne peut pas faire cela avec les outils manuels, tout là. Alors que la machine, mm-hmm. Avec le découpage laser et avec plusieurs technologies qui ont été instaurées, peut réaliser cela avec une précision qui peut arriver vraiment à des micromètres. Mm-hmm. D'accord. Donc, instaurer ou l'installation de cette, suivre cette révolution ou cette évolution est devenue importante pour nous au Maroc. C'est-à-dire la révolution ou bien l'évolution de l'industrie 4.0. Oui. Vous n'avez pas écouté ma question, Hana? Oui, oui. D'accord, oui, je reformule. Donc, suivre cette évolution est devenue très importante et primordiale dans notre pays aujourd'hui. Je ne vais pas dire que c'est primordial. Mm-hmm. Parce que vraiment, on n'a pas, comme j'ai dit, les personnes qualifiées. Mm-hmm. On a besoin, le taux de chômage, il augmente jour après jour. Oui. Donc, on a besoin de plutôt faire embaucher les gens. Oui. Ça va faciliter ça va plutôt augmenter la compétitivité du Maroc, mm-hmm. certes, mais c'est pas primordial pour la France, pour le monde. D'accord. Donc, Hana Medawi Farah Fatni, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, à l'invitation du Carrefour de Chenanterre. Et si vous voulez, si vous avez un mot de la fin, quelque chose à rajouter avant de vous libérer. Oui, on vous remercie également, Madame Hanan, d'avoir fait avec nous cette interview dans votre émission. Ainsi que j'incite les gens, je transmets le message aux jeunes, travailler, chercher, ce domaine a vraiment plusieurs opportunités au futur, essayer d'être innovant, de participer aux compétitions, de s'intéresser à ce domaine. C'est vraiment un domaine qui est magnifique, dont vous pouvez vous retrouver. Je souhaite aux jeunes de chercher et je les incite à chercher, de travailler pour bien sûr pour un futur meilleur. Inch'Allah. Merci beaucoup, Hana Medawi, Farah Fatni. À très, très bientôt. Voilà, donc, merci. On se fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la fin de notre émission Carrefour de Chenanterre.